Hallelujah. Hallelujah. We bless the Lord today. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. For allowing us yet another opportunity. De nous permettre cette opportunité. To be able to talk about the mighty wedding of the Lamb of God. D'être capable de parler à propos des très grandes, puissantes noces de l'agneau de Dieu. I want to begin by looking at the Last Supper. Je vais commencer par examiner le dernier souper. The Last Supper of the Lord. Le dernier souper, la dernière Pâque du Seigneur. And what happened at the Last Supper? Et qu'est-ce qui s'est passé au dernier souper? And how that is related to the coming of Christ in this mighty wedding? Et comment c'est en relation avec la venue de Christ dans ce très puissant mariage? You should know that the Lord Jesus, vous devez savoir que le Seigneur Jésus, he entered into a covenant with his bride. Il est entré dans une alliance avec son épouse. Before he left, after he had found his bride, avant qu'il quitte, après avoir trouvé son épouse, he went into a very powerful covenant with his bride. Il a été à travers une très puissante alliance avec son épouse. And so let us read the book of Mark chapter 14. Alors lisons l'évangile de Marc chapitre 14. I'm reading from verse 22. Je lis depuis le verset 22. And it says, while they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Saying, take it, this is my body. En disant, prenez, ceci est mon corps. Again, I'm repeating 22. Encore, je répète 22. While they were eating, pendant qu'ils mangeaient, Jesus took bread, Jésus prit du pain, gave thanks and broke it, et après avoir rendu grâce, il le rompit, and gave it to his disciples, saying, et le donna à ses disciples en disant, take it, this is my body. Prenez, ceci est mon corps. Verse 23 says, then he took the cup. Verset 23 dit, il prit ensuite une coupe. Gave thanks and offered it to them. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. And they all drank from it. Et ils en burent tous. This is my blood of the covenant. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Which is poured out for many. Qui est répandu pour beaucoup. He said this to them. Je vous le dis en vérité. And he says, I tell you the truth. Je vous dis la vérité. I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it anew in the kingdom of God. Je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. That is the covenant the Lord Jesus entered into with his bride. Ça c'est l'alliance que le Seigneur a fait avec son épouse. When he had found his bride, quand il a trouvé son épouse, he knew he had to go back to the Father. Il savait qu'il avait à rejoindre le Père. And speak to the Father about the fact that he has found his bride. Et parler au Père du fait qu'il a trouvé son épouse. So the Father may prepare for the wedding. Alors le Père peut préparer le mariage. A day of which is not known by Christ or even the bride. Le jour qui n'est pas connu de Christ, même pas de l'époux. And you see very, very clearly. Et vous voyez vraiment, vraiment clairement. That he was entering into this everlasting covenant with his bride. Qu'il est entré dans cette profonde alliance avec son épouse. So she can remain faithful to him. Comme ça, elle peut lui rester fidèle. Even during his absence. Même durant son absence. In that way, when he comes back. De cette manière, quand il revient. He can get married to a faithful bride. Il peut épouser une épouse fidèle. So they can be equal yoking. Comme ça, ils peuvent être ensemble sous le même joug. Between him and the bride. Entre lui et l'épouse. And this is a very powerful covenant. Une alliance très puissante. If I take you a little bit back in the Jewish culture. Si je vous ramène un peu en arrière dans la culture juive. In the Jewish culture as ordained by the laws of Moses. Culture juive, comme elle a été ordonnée par les lois de Moïse. When a bridegroom finds a bride. Quand l'époux trouve une épouse. He always went to her family. Il va toujours dans sa famille. And when he went there, they were given a glass of wine and both shared from one glass. Et on leur donne un verre de vin et tous les deux boivent dans le même verre. As a sign of covenant. Comme un signe de l'alliance. For the coming wedding. Pour le mariage qui va venir. If you look at the deeper meaning, the spiritual meaning in that. Mais si vous regardez à la, au sens spirituel de cela. The importance was that they will be faithful to each other. L'importance de cela, c'est qu'ils vont être fidèles l'un à l'autre. That they are going to maintain a covenant of faithfulness. Ils vont garder une alliance de fidélité. Even during the time before the wedding. Même pendant le temps avant le mariage. The wine actually represents the blood of Jesus. Actuellement, le vin représente le sang de Jésus. In the church of Christ. Dans l'église de Christ. That's why you see the Lord was linking the wine to his blood. C'est pourquoi, vous voyez, le Seigneur était en train de relier le vin à son sang. And he took the cup and then he gave it to them. Et il a pris la coupe et leur en a donné. The 12 apostles were the church that the Lord found. Les 12 apôtres, c'était l'église que le Seigneur a trouvée. He was going to build his church based on that foundation. Il était en train de construire l'église sur cette fondation. That's why he had to go into covenant with his church, with his bride. C'est pourquoi il a besoin d'aller dans une alliance avec son église, avec son épouse. But that covenant calls for faithfulness. Mais cette alliance appelle à la fidélité. There is no way if the bride loves the bridegroom. Il n'y a pas moyen si l'épouse aime l'époux. That she will be able to break this covenant of faithfulness. Qu'elle soit capable de briser cette alliance de fidélité. So we are going to go very deep today and look at how does the church love Christ. Et nous allons aller plus profondément aujourd'hui. Comment l'Église aime Christ? Does the church really love Christ? Que l'Église vraiment aime Christ. Because if she loved Christ, she would have kept the pre-wedding covenant. Mais si elle avait aimé Christ, elle aurait gardé le pré-alliance de mariage. Because that is a covenant of faithfulness. Parce que c'est une alliance de fidélité. You can imagine in the human form. Vous pouvez imaginer dans une forme humaine. If one man is engaged to a woman before wedding. Si un homme est engagé à propos d'une femme avant le mariage. And I'm talking about a Christian man. Je parle d'un homme chrétien. Born again. Né de nouveau. Engaged to a woman who is a Christian, born again. Engagé à une femme chrétienne et née de nouveau. And then right before the wedding. Et ensuite, juste avant le mariage. Of course he has to give her the engagement ring. Bien sûr, il doit lui donner l'anneau de mariage. So that is a sign of the covenant before the wedding. Ça c'est le signe de l'alliance avant le mariage. In the human form. Dans une forme humaine. You can imagine how the human being would feel when he comes and finds that she has become unfaithful to him. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que un fiancé peut penser quand il voit que sa fiancée n'est pas restée fidèle. And she has gone out and fornicated with other men. Elle s'en est allée et a forniqué avec d'autres hommes. In the human form. Dans la forme humaine. The little human form. La petite forme humaine. How about now in the godly form? Voyons maintenant à propos de la forme divine. In the form of God. Dans la forme de Dieu. Your feeling is just a little miniature, a little bit of the big how God feels. Vos sentiments sont une petite miniature. Combien, quels sont les sentiments de Dieu? So you see very clearly that if the church surely loves Christ. Alors vous voyez vraiment clairement que si l'Église avec pureté aime Christ, it is not just a matter of saying I love you Christ. Ça n'est pas une question de dire oh je t'aime Christ. But it is an act of love. Mais c'est un acte d'amour. How do you act in love? Qu'est-ce que tu fais dans l'amour? You act by being faithful to the covenant. Tu agis en étant fidèle à l'alliance. So we are going to look at some of the things that mark love between the church and Christ. Nous allons voir certaines choses qui marquent l'amour entre Christ et l'Église. And I'm also going to walk you into the likeness of Christ that the church is supposed to wear. Et j'aimerais aussi voir à propos de la ressemblance que l'Église doit revêtir de Christ. Because the Father, when he presented those rings to me, he presented two rings that are very similar. Parce que quand le Seigneur a présenté ces anneaux, ils étaient deux anneaux très similaires. And by the way, for your own information, par ce chemin, pour votre propre information, he told me he has not given it to anyone on the planet Earth. Il m'a dit qu'il ne l'a pas donné à aucune personne sur cette planète Terre. That was the first time he revealed this new level. C'est la première fois qu'il révèle ce nouveau niveau. And so you that are listening, don't even take it for granted. Alors, vous qui êtes en train d'écouter, ne le regardez pas comme admis. Because it makes me even wonder about the nation of Kenya, about this part of Africa, the Eastern Africa. Perplexe. Ça me rend perplexe à propos du Kenya, de l'Afrique et de l'Est de l'Afrique. It makes me also wonder about this radio. Ça me met aussi perplexe à propos de cette radio. It makes me wonder about a lot of things around this word. Ça me rend perplexe à propos de beaucoup de choses autour de cette parole. That he can break this very prime, this very precious and treasured last word. Qu'il peut briser cette primordiale, très précieuse et valeureuse dernière parole. Through this small country or small radio or small person, whatever you want to call it. À travers cette petite contrée, cette petite radio, ou qu'importe comment vous voulez l'appeler. The most important word right now in the Church of Christ in the four corners of the earth. La parole la plus importante, juste maintenant, dans l'Église de Christ, aux quatre coins de la terre. That he can release it in such a hidden way. Qu'il peut la libérer dans un tel chemin caché. In what started as repentance and people did not understand. Dans ce qui a commencé en tant que repentance et les gens n'ont pas compris. When every Christian even tried to fight it, it makes me wonder who can fight against the Lord. Quand chaque chrétien même ont essayé de lutter la contre et m'ont étonné, qui peut lutter contre le Seigneur? Then it turns out that this is the major trend. Et ensuite, il s'avère que c'est la suite importante through which he's releasing the last word to the church, à travers laquelle il libère la dernière parole dite à l'Église. So, to me, it's very amazing. Alors, pour moi, c'est vraiment incroyable that the church actually is supposed to have maintained a pre-wedding covenant with the Lord. Que l'Église actuellement est supposée d'avoir maintenu une alliance de pré-mariage avec le Seigneur. And that's why he took the bread, he gave thanks, broke it and gave them. C'est pourquoi il prend le pain, rend grâce, le rompt et le leur donne. And I hope all of you know that when he broke the bread, it represents the breaking of his body to release the covenant of the blood of Jesus. Et j'espère que tous ceux d'entre vous savent quand il a rompu le pain, cela représente le brisement de son corps pour délivrer l'alliance du sang de Jésus. The blood of Jesus is the new covenant, the covenant of the blood of Jesus. Le sang de Jésus est une nouvelle alliance, l'alliance du sang de Jésus. So let us look at the book of 1 Corinthians. Regardons dans le livre de 1 Corinthiens. In the same context. Dans le même contexte. I'm just building a little foundation for you here. Je suis juste en train de construire une petite fondation pour vous ici. Talking about the wedding rings the Father presented. Parlant à propos des anneaux de noces que le Père a présentés. In the sky. Dans le ciel. On the 1st of November. Le 1er novembre. The year 2006. De l'année 2006. The book of 1 Corinthians chapter 11 verses 23 on. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 jusqu'à. He says, "For I received from the Lord what I also passed on to you." Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. The Lord Jesus on the night he was betrayed. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, took bread and when he had given thanks, he broke it and said, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, this is my body which is for you. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Do this in remembrance of me. Faites ceci en mémoire de moi. In other words, he was saying that every time you go before the Lord's table. Dans d'autres mots, il était en train de dire que chaque fois que vous allez devant la table du Seigneur, that is supposed to remind you that there is a covenant between you and the bridegroom. Ça suppose vous rappeler qu'il y a une alliance entre vous et l'époux. I'm just beginning with the pre-wedding covenant the Lord left to the church. Je suis juste en train de commencer à propos de la pré-alliance de mariage que le Seigneur a laissée à l'Église. And he said, when you do this in remembrance of me. Remember me when you do these things. Il dit, souvenez-vous de moi quand vous faites ceci. Did the church remember him all this time? Est-ce que l'Église s'est souvenue de lui pendant tout ce temps? In the same way, after supper, he took the cup saying, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, this is the new covenant in my blood. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. For whenever you eat this bread and drink this cup, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, you proclaim the Lord's death until he comes. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. So in other words, he was saying that when you go into the Holy Communion, en d'autres mots, il est en train de dire quand vous allez à la Sainte Communion, you are supposed to remember the covenant you had with him. Vous êtes supposé vous souvenir de l'alliance que vous avez eue avec lui. And that is supposed to keep you until the day of the wedding, until he comes. De vous garder jusqu'au jour du mariage, jusqu'à ce qu'il vienne. I'm just beginning by talking about the covenant the Lord had with the church. Je suis juste en train de commencer à parler du mariage que le Seigneur a avec l'Église. And right away it makes you wonder, has the church been faithful in remembering that covenant with the Lord? Tout de suite, ça vous rend perplexe. Est-ce que l'Église a été fidèle dans le souvenir de cette alliance avec le Seigneur? So it's very critical for the church to realize that when the Lord comes. Alors, c'est vraiment critique pour l'Église de réaliser que quand le Seigneur vient, he is going to come and wed a church that has been faithful to him. Il va venir et épouser l'Église qui lui a été fidèle. Not a church that has been unfaithful to him. Et non pas une Église qui lui a été infidèle. And I want you to examine yourself right away at this moment. Et j'aimerais que vous vous examiniez vous-même juste en ce moment. Have you been faithful to the Lord? Avez-vous été fidèle au Seigneur? There are many things that happen in the church that create unfaithfulness to this covenant. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'Église qui ont amené de l'infidélité. Infidélité avec cette alliance. Sexual sin will create unfaithfulness to this covenant. Des péchés sexuels ont créé des infidélités à cette alliance. The love of money more than Jesus is already spiritual fornication. L'amour de l'argent plus que le Seigneur est déjà une fornication spirituelle. Not focusing on the Holy Spirit he gave us is unfaithfulness to the Lord. Ne pas se focaliser sur le Saint-Esprit qu'il nous a donné est déjà une infidélité au Seigneur. To bring false prophecies and lies and the little things you see in the church is actually unfaithfulness to the Lord. D'apporter des fausses prophéties, des mensonges et des petites choses comme ça est déjà aussi une infidélité au Seigneur. So it makes me really wonder whether this church is the true bride of Christ. Et ça me fait vraiment perplexe. Est-ce que cette église est la vraie épouse de Christ? And so even as we continue today. Alors que nous continuons aujourd'hui, I'm going to look at key items, the nature of Christ that the church is supposed to wear. Je suis en train de regarder à un point clé, la nature de Christ que l'Église est supposée revêtir. Number one, what we have just said, if I'm to summarize the little bit we have just handled now. Numéro un, ce que nous avons juste dit, si je résume un peu de ce que je viens de dire maintenant. That it is the Father that prepares the wedding between Christ and the church. Que c'est le Père qui prépare le mariage entre Christ et l'Église. It is the Father that knows the date of the wedding between Christ and the church. C'est le Père qui connaît la date du mariage de Christ et de l'Église. And that's why he presented the wedding rings when he opened heaven, he put them into the sky. Et c'est pourquoi il a présenté les anneaux de noces quand il a ouvert le ciel et qu'il les a mis dans le ciel. And that means the wedding is ready. Ça signifie que le mariage est prêt. You know when weddings are being prepared in the human form. Et vous savez que quand les mariages sont préparés dans une forme humaine, they go bring things, they put things together. Ils vont apportant des choses et mettant ces choses ensemble. And many times people ask, are the rings ready? Et plusieurs fois les gens demandent, est-ce que les anneaux sont prêts? And even when they go before the servant of the Lord. Et même quand ils vont devant le serviteur de Dieu, he always asks, where are the rings? Can you put the rings here? Ils demandent toujours, où sont les anneaux? Est-ce que vous pouvez mettre les anneaux ici? So actually the Lord Jehovah showing me these wedding rings in the sky. Actuellement, le Seigneur Jéhovah me montrant les anneaux de noces dans le ciel. Is a very big revelation to the Church of Christ. C'est une très grande révélation à l'Église de Christ. It is a moment of reality to the Church. C'est un moment de réalité pour l'Église. Because this is the most important day since heaven and earth was created. Parce que c'est là le plus important jour depuis que la terre a été créée. This is the reason the Bible was written. C'est la raison pour laquelle la Bible a été écrite. And I'm not going ahead of myself. Je ne suis pas en train d'aller au-devant de moi-même. But I'm going to explain to why he linked it to the white horse on which our Lord Jesus is seated. Je suis en train d'expliquer pourquoi il a lié cela au cheval blanc sur lequel notre Seigneur Jésus est assis. And he's racing from one end of the sky to the other. He's seated on that white horse. Il se déplace d'un coin du ciel à l'autre. Il est assis sur le cheval blanc. And so, when the wedding rings are presented, alors quand les anneaux de noces sont présentés, remember the wedding rings are central to marriage, central to a wedding. Centrality of the wedding is the wedding ring. Souvenez-vous que les anneaux de noces sont au centre du mariage, au centre des noces. La centralité du mariage, c'est l'anneau de noces. And I know many times people pride themselves on the type of ring they are wearing. Et je sais que bien des fois, les gens se glorifient du type d'anneau qu'ils sont en train de porter. But I want you to know that the ones the Lord showed me are very, very golden and glorious. Mais je désire que vous sachiez que ceux que le Seigneur m'a montrés sont très, très dorés et glorieux. One part is well plated and well, well decorated. Une part est bien plaquée et très, très décorée. And then you see the little dots of gold around it. Et ensuite, vous voyez des petits points d'or autour. Dots is a very powerful ring. I can't even describe it by words. Des points, c'est un anneau très puissant et je ne peux même pas le décrire par des mots. In the Rapture magazine, I try to describe it in detail. Dans le magazine de l'enlèvement, j'ai essayé de les décrire en détail. No words can describe the amount of time and the amount of effort the Lord, our Father, put in to prepare the wedding ring for His glorious Son. Aucun mot ne peut décrire la quantité de temps et la quantité d'effort que le Seigneur, notre Père, a mis pour préparer l'anneau de noces pour son glorieux Fils. I want you to re-examine yourself and think about you. Je désire que vous réexaminiez vous-même et que vous pensiez à propos de vous. The wedding ring that Christ will wear, l'anneau de noces que Christ va porter, and the one that the church will wear, et celui que l'Église portera, are very similar. Sont très similaires. And yet the same Lord wrote in the Bible that there is no unequal yoking. Et maintenant, le même Seigneur qui a écrit dans la Bible, il n'y a pas un joug égal. And so it is very important for you to examine yourself. Et alors, il est vraiment important pour vous de vous examiner vous-même. Are you worthy of wearing the mighty, glorious, powerful golden ring of the Lord? Êtes-vous digne de porter le très grand, glorieux, puissant anneau d'or du Seigneur? And so you see very clearly that the Father is treasuring this wedding. Et vous voyez très clairement que le Père est en train de mettre de la valeur à cet anneau. But there are some few things he has written in the Bible about this wedding. Et il y a quelques petites choses qui sont écrites dans la Bible à propos de ce mariage. That are going to surprise you today. Je m'en vais vous surprendre aujourd'hui. You begin to ask yourself, are you going to be able to wear this wedding ring? Vous commencez à vous demander vous-même, est-ce que je suis digne de porter cet anneau de noces? This surely has to be a turning point for the church. Ça va être un point tournant pour l'Église. So all people can strive and really make sure they try to make it into the wedding. Alors chacun peut lutter et vraiment être sûr qu'il essaye d'être part du mariage. I'm just going to read a little bit on the book of Matthew. Je m'en vais lire un peu dans le livre de Matthieu. About this wedding. À propos de ce mariage. And then I'll mention a little bit on the white horse above the rings. Et ensuite je vais mentionner un peu à propos du cheval blanc au-dessus des anneaux. Again, Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7. One aspect of this wedding. Un aspect de ce mariage. Matthew chapter 7 verse 13. Matthieu chapitre 7 verset 13. Enter through the narrow gate. Entrez par la porte étroite. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Many enter through it. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. But small is the gate and narrow is the road that leads to life. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. And only a few are found there. Et il y en a peu qui les trouvent. I just want you to understand that. Je désire juste que vous compreniez. This wedding is a very unique wedding, one of a kind. never ever taken place since heaven and earth was created. Que ce mariage est un mariage tout à fait unique, un de ceux qui n'a même jamais pris place depuis que le ciel et la terre ont été créés. The Lord placed in the white glorious horse above the wedding rings. Le Seigneur a placé le glorieux cheval blanc au-dessus des anneaux de noces. And yet we know that the white glorious horse only comes during the second coming of the Lord. Et nous savons que le cheval blanc vient seulement après la venue du Seigneur. It talks about the day of judgment, the day of the Lord. Il parle à propos du jour du jugement, du jour du Seigneur. But why did the Lord present the glorious horse with the ring? Pourquoi est-ce que le Seigneur présente le cheval glorieux avec les anneaux? And yet we know that when he's on that horse, he's a warrior, he's a fighter, he's a judge. Et maintenant, nous savons que quand il est sur ce cheval, il est un guerrier, un lutteur et un juge. He's coming to judge. Il vient pour juger. I know that something is about to happen. Et je sais que quelque chose est sur le point d'arriver. That tells me that in the spirit something is urgent. Cela me dit dans l'esprit que quelque chose arrivait qui est urgent. But the reason that the white horse was above the two glorious rings. Mais la raison pour laquelle le cheval blanc est au-dessus des deux anneaux de noces is because on the day of the rapture. C'est à cause du jour de l'enlèvement. He says, I will find two women grinding on a mill. Il dit, je vais trouver deux femmes dans le moulin, au moulin. One I'll take, the other I'll leave. J'en vais prendre une et l'autre la laisser. I'll find two men in the field. Je vais trouver deux hommes dans un champ. I will take one, the other I'll leave. Je vais en prendre un, l'autre le laisser. When he does that, he judges the nations of the earth. Quand il fait ça, il juge les nations de la terre. In other words, the hidden message about this wedding and the rapture. En d'autres mots, le message caché à propos de ce mariage et de l'enlèvement is that actually this wedding also marks the beginning of the judgment of the nations of the earth. C'est que ces anneaux marquent aussi le début du jugement des nations de la terre. When he will take some and leave some, he has judged. Quand il a pris quelques-uns et qu'il en laisse d'autres, il a jugé. So I am asking you today. Alors, je suis en train de vous demander aujourd'hui. Will he be able to take you? Est-ce qu'il va être capable de vous prendre? Are you able to wear the glorious wedding ring of the Lord? Êtes-vous capable de porter le glorieux anneau du Seigneur?